qu'on était immortel. Là, tu nous dis qu'on meurt. Moi, j'ai rien dit, c'est le titre. C'est le titre. Bon, le titre nous dit qu'on meurt, nous apprend qu'on meurt, puis j'avais cru comprendre qu'on était immortel. Ça, c'est des mensonges bibliques. Lesquels? Qu'on est immortel ou qu'on meurt? Qu'on est immortel. Donc, c'est un mensonge? Oui, c'est qu'il y a deux mensonges dans la Bible. Il y en a un qui dit que l'être humain est mortel et qu'il doit sauver son âme, puis il y en a un autre qui dit que l'âme est immortelle de toute façon. Lequel est vrai? Aucun. Il y en a un autre. Est-ce qu'on est immortel ou on ne l'est pas? C'est ça, on l'est puis on ne l'est pas. Comment on l'est? Ou comment on ne l'est pas? Bon, on l'est par nos constituants. C'est-à-dire que quand tu regardes une table, quand tu regardes un meuble fait en bois, c'est encore l'arbre, donc l'arbre est immortel. En réalité, c'est le bois qui est immortel. Mais en réalité, c'est les constituants du bois qui sont immortels. Même si tu brûles la table, il restera les constituants. Le carbone, il restera de l'eau, donc de l'hydrogène, de l'oxygène. Il restera les minéraux qu'il y avait dedans. Tu ne peux pas les détruire. Et de toute façon, c'est les constituants des minéraux qui sont immortels, c'est-à-dire les atomes. Bon, même si tu démolirais complètement le système moléculaire des constituants du bois, il resterait les atomes. C'est ça qui est immortel. L'atome se souviendra pas d'avoir été un arbre ou une table. Non. Mais par contre, tu peux réunir ces atomes-là et refaire encore un arbre. Est-ce qu'on peut dire que la mortalité ou l'immortalité serait reliée à la mémoire des atomes ou des cellules qui ont composé ce qui est décédé ou défait? Ça s'approche. Premièrement, pour pouvoir considérer que l'être humain est mortel, il faudrait considérer qu'il vit. C'est une bonne chose. Et pour considérer qu'il est immortel, il faudrait aussi considérer qu'il vit. Mais comme l'être humain ne vit pas, finalement, il est ni mortel ni immortel. Et l'être humain, il a l'illusion qu'il a vécu, il a l'illusion qu'il va vivre, il a l'illusion qu'il a de mémoire, mais l'être humain, ça n'existe pas. C'est qu'on n'est pas là, nous autres. On n'a rien entendu. Qu'est-ce qui est là? Ben, il y a un corps physique. Prouve-le. Il y a une arme, ben, c'est là. Oui, j'y touche. Oui, j'y touche. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'il y a un corps physique? Ben, il y a quelque chose qu'on appelle un corps physique. Un ensemble de cellules. Là, c'est toi qui me poses des questions. Oui. Il y a de la peau? Non. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y a de la peau? Par la peau, tu touches à ta peau, et parce que la peau touche à la peau considère qu'il y a de la peau. Tu sais qu'une chose qui est définie de par elle-même n'existe pas. Elle peut être définie par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire, moi, Dieu existe, je suis un Dieu. Donc, croyez-moi, si je sais que Dieu existe, je suis un Dieu. Qu'est-ce que ça vaut comme preuve? Ta peau touche ta peau, puis la peau veut dire ton cerveau, ben la peau existe. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me donne un coup de poing dans le front, il va avoir un obstacle. Qui t'a dit que tu as reçu un coup de poing dans le front? Mon médecin. Ça m'était un imbécile. Mais ça se prouve que tu as eu un coup de poing dans le front quand tu es fendu. Ça se prouve que tu crois que tu as eu un coup de poing dans le front, oui. Ça se prouve pas. Tu ne peux pas prouver que tu vis, tu ne peux pas prouver que tu existes. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas et tu n'existes pas. Alors, ça vaut pas la peine de vouloir prouver que... Tu prends une cellule dans le corps humain. L'arrache. On prend l'illusion d'une cellule dans une illusion de corps humain. OK, puis on la met dans l'illusion d'un microscope. On va savoir l'illusion, c'est quelque chose qui vit dedans. Qui observe la cellule? Sinon, un ramassis de cellules. Donc, des cellules observant une cellule considèrent que les cellules existent. Ce qui prouve par lui-même n'existe pas. Quand on ne meurt pas, on ne vit pas. Bien qu'on ne vit pas puis qu'on ne meurt pas. Mais on mange. Parce on n'a pas l'illusion de manger. Tu crois que la cellule existe? Mais si subitement ce qui est regardé n'est pas une cellule, puis que ton œil, tu t'illusionnes que c'est une cellule. Oui, mais même si on l'appelait autrement, ça s'appelait un manteau au lieu d'une cellule, c'est pas grave. Oui, un manteau verrait un manteau. Oui. Ben, ça, c'est la même affaire. Ben, il y aurait un manteau. Mais il n'y aurait rien. Qu'on peut appeler n'importe comment, c'est pas le nom qui est important, c'est le fait que c'est là. Non, c'est pas là. Je ne parle pas du nom. Ça, le nom, c'est pas important, c'est évident. L'être humain n'existe pas. Je suis pas d'accord. Ben ça, c'est, je vois ça. Ouais. Si j'étais... Le fait de ne pas être d'accord, ça me prouve que je suis là. Prouve-moi, non. Prouve-moi que tu existes. Je sais pas comment prouver que j'existe, mais je pourrais te prouver que j'existerai plus si je suis dans la fenêtre. Tu vas exister toujours. Il va avoir les mêmes molécules en bas, il va avoir les mêmes cellules en bas. C'est quoi la nuance? C'est quoi la différence? Ben, c'est ces cellules-là. Ils vont avoir le même vêtement, la même forme, c'est plus ou moins changé. Les parents sont pas sombres. Ils peuvent changer de couleur. Ils vont avoir les mêmes molécules, les mêmes atomes, les mêmes cellules, le même vêtement, les mêmes yeux pour se regarder. Et eux vont dire, il est mort. Pourtant, tout à l'heure, ils se regardaient et ils étaient vivants. C'est quoi la différence? C'est la perception qu'on a de ce qu'on voit qui nous fait dire que c'est vivant? Non, c'est l'illusion. La chaise, est-ce qu'elle est morte ou vivante? Bonne question, hein? Un peu vivant. On considère que c'est des atomes qui constituent la chaise. Alors, c'est quoi être mort? Un cadavre, c'est vivant? Bon, c'est des atomes qui constituent le cadavre. Ouais. Donc, un cadavre, c'est vivant. OK. Alors, on ne meurt pas, jamais. Même si on te coupe la tête, tu ne meurs pas. Les atomes qui constituent le corps ne meurent pas. Est-ce que tu es vivant ou mort? Actuellement, je suis vivant. La chaise, elle est vivante ou morte? Vivante aussi. Si tu tires une balle dessus du dedans, elle reste vivante, toi tu t'en tires une, tu meurs. Mais si on dit que c'est l'atome. Quelle plus évolue que toi? Ah non, je suis pas mort non plus, si c'est mes atomes qui sont vivants. Alors c'est quoi la vie? Mais c'est le regroupement de ces atomes-là. Est-ce que de l'air, c'est vivant? Les atomes qui constituent l'air, ça va être considéré comme vivant. Non, c'est pas un regroupement d'atomes. Mais l'air ensemble, si jamais, peut pas marcher. C'est ça, ça a l'air, mais je veux qu'on comprenne bien quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions. Tu dis le regroupement d'atomes crée la vie. Alors, si je prends un paquet d'atomes SE, qu'on appelle fer, si j'en prends un qu'un, c'est mort, si j'en prends 8 milliards, c'est vivant. Une bille de fer est vivante, tandis qu'un atome de fer est mort. Mais c'est quoi la vie? Ben, la vie, ça n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce que nous, on appelle la vie? On fait référence à quoi? On appelle la vie, nous, c'est l'accumulation d'un déplacement du temps et de l'espace conservé à travers une mémoire psychologique ou amie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la vie, nous, c'est nos souvenirs. L'être humain qui n'a aucun souvenir ne sait même pas qu'il vit. C'est-à-dire qu'il peut découvrir qu'il ne vit pas. Tu regardes ta main et au fur et à mesure que tu la vois, tu l'oublies. C'est-tu dire que tu vois ta main? Tu rappelles d'avoir vu ta main? Non. Au fur et à mesure que tu la vois, tu l'oublies. Tu n'as pas de mémoire. Mmh. Peux-tu dire, je vois ma main? Mais tu n'auras pas le temps de le dire si tu l'oublies à ma vie. Tu ne verras pas de main. Ça, c'est très instantané. Mais dans la réalité, là, je la vois, ma main. Je la regarde, là, elle est là, là. Oui, dans la réalité, du drogué, du psychopathe, du schizophrène, du oui. Oui. Ben, je suis pas aveugle. Il est religieux, il voit Dieu, il parle. Non, Dieu, elle ne voit pas ma main, t'as pas. Non, mais lui, il voit Dieu, puis il parle. Donc, Dieu existe, il est là. Et si Dieu saute dessus, il va être malade, il risque de perdre un bras. Pas toi, mais lui, oui. Qu'est-ce qui fait que l'humain a l'impression qu'il vit, sinon la mémoire? Tout à l'heure, je parlais d'un coup de poing en plein front. Si tu n'as aucune, je te gèle le visage au complet. Je ferme les yeux, j'appuie la tête sur un mur, puis quelqu'un me donne un coup de poing en pleine face. Tu ne sens absolument rien. Toi, peux-tu dire, ah, je viens de recevoir un coup de poing en plein visage? Non. Non, mais ça, c'est d'autres conditions. Si tes yeux ouverts, puis t'as pas le front gelé, puis là, le coup de poing, tu vas savoir que t'as eu un coup de poing. Oui, autrement dit, en plus, même si je te drogue encore plus que t'ouvrir les yeux, et puis que tu vois à un moment donné tes yeux tomber, ben, tu viens de perdre les yeux. C'est évident. Même si tu les vois tomber. Tu les verras pas tomber, ça. Oui, tu veux dire, je te crève les yeux parce qu'ils vont voir que si leurs yeux sont encore là. Parce qu'ils viennent de voir leurs yeux tomber. Le LSD, c'est ce genre de choses. Être réveillé, comme tu dis, là, c'est être totalement drogué, c'est être dans l'illusion totale. Parce que l'humain est dans l'illusion totale, c'est pas parce que des milliards d'humains sont dans l'illusion totale que tous les livres sacrés, traditionnels et de religion sont bâtis sur l'illusion totale que c'est une réalité. Ça reste de l'illusion totale, l'être humain ne vit pas. L'être humain n'existe même pas. Il est là. Alors, s'il est là, qu'est-ce qu'il fait qu'il n'existe pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'illusionne qu'il existe, il s'illusionne qu'il vit. La seule façon pour l'humain, pour la conscience, disons, infantile de l'homme de notre actuel siècle, la seule façon qu'il a de conscientiser certains états, c'est de le faire à partir d'une trame mémorielle, donc à partir de ce qui n'est plus, de ce qui n'est plus, mais qui a déjà été. Mais ça n'a pas existé, ça l'a déjà été, ça n'a pas existé, ça n'existe plus. Et l'humain ramasse tous ses constituants mémoriels pour en créer son monde. Et la perception que tu as du monde, elle est déterminée par, justement, ce que tu as ramassé. Un être humain qui ne souffre pas, c'est un être humain qui n'a pas de mémoire de cette souffrance. Donc, c'est un être humain qui ne cumule pas en mémoire cette expérience. De ce fait, cet être humain-là ne souffre pas. Tu viens de perdre ton frère, puis tu te rappelles même pas avoir eu de frère. Il n'y a vraiment pas de problème, hein? Tu ne peux pas être malheureux. Alors que l'humain illusionné, on lui perd un frère, et il le regrette aussi longtemps que la mémoire voudra le charrier. S'il se rappelle intensément et émotivement de la même façon son frère pendant 20 ans, il va broyer pendant 20 ans. Pour être heureux pendant 20 ans, ça dépend du frère. Si lentement la mémoire s'atténue, bien on dit que ça arrange les choses, si au bout de 2-3 mois, 2-3 ans, il n'y a pas de problème. Il va encore avoir la visualisation de son frère. Puis encore là, il pensera peut-être même plus en tout. Sauf si à un moment donné, il tombe sur une photo, ou sur une gamine qui lui appartenait, ou sur un outil, ou sur quelque chose. Sinon, le frère, il ne pense même plus. Mais la mémoire qui nous fait rappeler tout ça, qui nous fait vivre ces émotions-là, c'est composé de quoi? C'est quoi la mémoire? Est-ce que ça existe, la mémoire, ou pas? Ça existe pas. Ça existe en fonction d'elle-même, ça n'existe pas non plus. Comment tu sais que tu as de la mémoire? Parce que tu te rappelles que tu as déjà eu de la mémoire. Parce que tu te rappelles que tu t'es déjà rappelé. Non, qu'est-ce qui te dit que c'est de la mémoire, que ce n'est pas un instantané de réalité? C'est même un instantané. Est-ce qu'un animal, un cheval, un bœuf, un lapin, est-ce que d'après lui, c'est lui qui existe? Non. Ça a de la mémoire, un animal, ça n'a pas? Ça a une forme de mémoire qui n'est pas aussi, on peut dire, évoluée ou illusionnée que celle de l'homme. L'homme sait qu'il sait, l'animal sait les choses, il ne sait pas qu'il sait. L'oiseau ne se vante pas de savoir qu'il sait faire un nid. Il ne sait pas qu'il sait faire un nid, mais il sait faire un nid. L'homme sait que l'homme, par exemple, l'homme sait faire un nid, et l'homme sait qu'il sait faire un nid, alors il regarde les autres pour voir son nid est beau, et que tout le monde le sache. Tandis que l'oiseau, il sait son nid, il sait comment faire un nid, mais il ne sait pas qu'il sait faire un nid. D'ailleurs, c'est pourquoi quand ça va être le temps prochainement de faire le nid, l'oiseau n'est pas inquiet. Merde, m'a trouvé ce que j'ai besoin, m'a savoir suffisamment ceci, m'a te faire assez gros, combien d'œufs m'a ouvert? Je sais pas combien d'œufs m'a ouvert, moi je suis un petit nid gros de même, 25 œufs. C'est un gros nid, un œuf. L'oiseau ne sait rien de cela parce que l'oiseau, comme tel, ne vit pas. Lequel des deux est le plus vivant, l'homme ou l'oiseau? L'oiseau. Dans ta description de vivant. Mais non, pas dans ma description. Dans ce que tu peux en comprendre. L'oiseau. L'oiseau. Pas dans ma description. L'oiseau est plus vivant que l'homme parce que l'être humain vit beaucoup plus avec ses mémoires. Donc l'homme est beaucoup plus mort. L'homme est toujours dans le passé. L'homme est toujours nostalgique. L'homme est toujours en train de désirer les choses qu'il a connues. L'homme est toujours en train de vouloir recréer le passé. L'homme est totalement anti-évolutif. Tandis que l'oiseau n'est pas évolutif. Il n'est pas anti-évolutif, il n'est pas du tout, il n'est rien, il est au neutre. Ben, il n'est pas au neutre, il n'existe pas. Mais quand il meurt, quand on meurt, nous autres? Quand un arbre pousse, c'est la vie. Quand il a des feuilles et des fleurs, c'est la vie. Quand il a des graines, c'est la vie. Quand les graines tombent à terre, elles pourrissent. Puis parce qu'elles pourrissent, elles donnent d'autres arbres. Alors, dis-moi où il y a eu la mort là-dedans. On n'a pas eu. Quand là, l'arbre finit par être attrapé par la foudre, l'arbre s'effrite, l'arbre tombe à terre, l'arbre pourrit, et sur l'arbre pousse des milliers de fleurs, et que les fleurs, etc., où il y a la mort là-dedans? Il n'y en a pas eu, un changement de forme. Oui. Ça, c'est immortel. Ça veut dire que, finalement, on parle d'immortalité pour qu'on puisse arriver à se comprendre, mais c'est pas immortel, ça n'existe toujours pas. Mais du point de vue du changement, ça reste. Par contre, l'arbre, il est là, mais dans des fleurs. Les fleurs vont être là, dans un arbre. Sauf que l'arbre lui-même, selon la forme de l'arbre, ne restera pas. La forme de l'homme ne reste pas. La forme, c'est notre corps physique? Oui. Et c'est surtout nos mémoires. Notre corps astral. Ça, c'est ça, notre âme. L'arbre, est-ce qu'un arbre dit ou un arbre ne dit pas? Toi, tu dis qu'il vit. Bon, mais l'arbre, il dit quoi, lui? Il ne dit rien. Non. Donc, lui, il n'a pas conscience qu'il vit, mais nous autres, on peut avoir conscience qu'il vit. Oui, comme le drogué, lui, il va dire, toi, tu n'as pas conscience que Dieu te regarde. Moi, j'ai conscience que Dieu me regarde. Non, mais il sait, lui. On va être drogué, tu sais. On doit être plus intelligent qu'un arbre. Oui, puis on devrait tout se droguer pour être plus intelligent qu'un humain. Parce que toi, tu considères l'intelligence comme étant l'aveuglement. Plus on est dans l'illusion, plus on est intelligent. C'est finalement, oui, mais là, quand même, je goûte de l'eau. Molécules d'hydrogène, molécules d'oxygène, sur des molécules d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote. Et j'appelle ça goûter de l'eau. Qu'est-ce que je connais de l'eau? Sa structure atomique. Pendant des millions d'années, même l'humain qui boit de l'eau, même pas conscient qu'il boit des atomes, là, franchement. Je ne sais pas sa structure atomique que je connais. Sur quoi vous basez-vous pour savoir que vous existez? Vous vous basez sur une photo. Donc, des atomes se basent sur des atomes pour savoir qu'ils sont là. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce que nous voyons ou ce que nous percevons est une réalité? Plus moyen. Mais dans le quotidien de tous les jours, on considère qu'on existe. Dans l'illusion de tous les jours. OK, disons que dans l'illusion, on considère qu'on existe. On considère qu'un jour, on peut cesser d'exister physiquement. Ouais. Du moins. Mais physiquement, c'est pas grave. Mais un jour, on va perdre de mémoire. Qu'est-ce qui arrive quand on décède, quand le corps physique décède? Est-ce que l'âme continue d'avoir de mémoire? Ben, l'âme va continuer dans le flamoron ciel, c'est-à-dire que l'illusion, la farce, se poursuit lorsque le corps physique est mort. Et cette farce va se poursuivre dans la majorité des cas jusqu'à temps que la farce elle va se poursuivre quelques milliards d'années. Jusqu'au jour où quelqu'un sera capable de respirer par le nez toutes les mémoires de la farce. C'est comme ça que ça arrive. J'ai déjà dit ça quand je faisais de quelqu'un. Recule, poussière, avant que je te renisse. Bon, ben c'est ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire une mission. Ouais, c'est encourageant. Pour lui? Parce que moi, je sais pas si ça va se vendre aussi cher que les autres poudres griffes. Mais quand on décède, on a l'âme continue de penser qu'elle existe. Est-ce, okay. Est-ce qu'on sait qu'on est mort quand on meurt? Bon, beaucoup d'individus savent pas qu'ils sont morts quand ils meurent. Puis il y a quelques autres qui le savent. Parce que là, si on n'a pas conscience d'exister, est-ce que quand on est mort, c'est la même affaire qui continue? Non, présentement, l'humain a l'illusion de la conscience d'exister. Puis quand on est mort, on a encore l'illusion? Quand tu es mort, tu as l'illusion de la conscience de continuer à exister. Par contre, il y a beaucoup d'âmes qui restent dans leur corps physique, donc ils ne savent pas qu'ils sont morts. La majorité des morts violentes, l'individu sera mort dans un plan moronciel, et il ne sait pas qu'il est mort. Et il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'il rêve. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles rêvent régulièrement, ce qui fait qu'elles espèrent simplement se réveiller. Mais elles rêvent qu'on les enterre, elles rêvent qu'elles pourrissent, que le corps pourrit, elles rêvent que tout le monde pleure ou que tout le monde rit, elles rêvent bien des choses. Et puis, elle a hâte de se réveiller. Et à ce moment-là, elle est morte, elle ne se réveillera pas. Est-ce que l'âme est encore complète, constituée de toute la mort? L'âme est complète, il y a des petits morceaux à un moment donné qui se perdent, qui sont digérés par le monde de la mort, et lentement, l'âme va finir par rencontrer des guides de lumière, des personnages frauduleux qui viennent lui l'instruire de ce qu'elle doit faire dans son rêve ou dans sa mort. Parce que la mort, c'est comme le rêve. Ou le rêve, c'est comme la mort, c'est comme on voudra. La seule nuance qu'il y a, c'est quand on est mort, on ne réintègre pas notre corps physique. Et lorsqu'on rêve, on réintègre le corps physique, parce que le corps physique est encore suffisamment atomiquement vibrant pour te rattirer. Mais quand tu as une mort violente, tu seras mort subitement dans le rêve. C'est comme si tu conduis ton automobile. Et puis, à un moment donné, je suis rendu ici. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Des mémoires d'intervention, l'automobile, tout ce qu'on disait, ça allait bien. Toi, t'étais où? Alors, c'est la même chose. Tu es là, tu conduis, tu m'as dit, tu penses à quelque chose, puis finalement, tu vois des trucs, puis là, tu te dis oui, ça, c'est bizarre. Et puis après ça, tu penses à ta maison. Tu conduis, puis ta maison-là, toi, tes enfants qui sont en train de s'amuser. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, ça serait intéressant, oui. Puis là, tu continues à rêver comme ça. Si tu sais pas, c'est quoi, t'es mort depuis longtemps, t'as eu une accident, là. Mais tu ne t'es pas rendu compte de rien encore. Tu es encore en train de. Puis à un moment donné, tu vas dire, bon, ben là, à un moment donné, dans l'âme à l'extérieur du corps finit par se stresser. Alors elle veut retrouver le goût du corps, donc réveiller le corps, pour qu'on se réveille à un moment donné. La tête marche vite, etc. Et là, tu vas vouloir te réveiller de ce rêve. L'âme va commencer à se stresser. Et c'est là que l'âme va découvrir qu'elle ne peut pas se réveiller, qu'elle ne retrouve pas le corps. Là, l'âme prend conscience que c'est pas du corps physique. Non, là, l'âme prend conscience que c'est un maudit rêve qui veut, puis la misère à s'en sortir. Il n'y a pas une âme suffisamment évoluée, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tellement au niveau du contexte planétaire, pour être capable de considérer, ah tiens, ben, le corps physique, ah ben je suis dedans, je suis mort. Non, il y a juste ceux qui sont vivants qui se réveillent dans un lit d'hôpital avec des belles infirmières autour qui disent, je suis au ciel. Mais ceux qui sont dans le monde de la mort, oui. Ils essaient de revenir, ils essaient de se réveiller, ils ne comprennent pas. Et puis après ça, là, ils rêvent que la famille, le téléphone sonne, ils rêvent que la famille est avertie, ils rêvent que la femme se met à pleurer ou que le mari se met à pleurer, ils rêvent, bon, ils rêvent. Puis là, lentement, ils se disent, mais là, c'est un cauchemar, c'est un temps, je me réveille. Jusqu'à temps qu'un guide de lumière qui est envoyé par une théologie particulière ou un égrégore vienne t'instruire que présentement, tu es mort. Est-ce que c'est. Mais on te dit, c'est nous. Est-ce que c'est cette guide de lumière-là qu'on entend. Il y a des émissions spéciales sur la vie après la vie où il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, puis il y a des gens qui sont morts cliniquement, mais qui ont été réanimés, puis qui disent on a été accueillis par une lumière, une chaleur. Oui, ça c'est guide de lumière. Ça c'est guide de lumière. Ce sont des types, eux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux? Les autres, ils viennent te voler. Voler quoi? Toi. Tes constituants. Tes particules, ton énergie, ta mémoire. Voler l'âme. Ils viennent te respirer. Ou voler l'esprit. Les sniffer. Ils viennent voler l'âme ou l'esprit? Pas voler l'esprit? L'esprit, ça ne se vole pas. L'esprit est déjà déconnecté de ton âme. C'est quoi le problème s'ils volent l'âme? Si on veut s'en débarrasser, ça fait je sais pas combien de séminaires que je prends pour m'en débarrasser. La problématique, c'est que si 99% de ce que tu es, c'est l'âme, bon, essayons juste de comprendre une chose difficile à comprendre pour des néophytes. Alors, mais inclus. Écoute-moi bien. À l'intérieur de toi, présentement, se passe plusieurs choses. Il y a un bonhomme qui est en train de penser à faire. Mais il n'est pas respecté au niveau de ton cerveau, donc, je ne sais pas. Il y a un autre bonhomme qui pense comme pénis. Mais, je ne sais pas. Il y a un autre bonhomme qui pense à la conférence, ou qui écoute, ou qui pense à rien, qui est là, qui essaie d'être vivant, qui essaie de... Bon, ah, là, je dirais. Quand tu meurs, L'esprit se sépare immédiatement. L'esprit, le peu d'esprit qu'il y avait, qui était parvenu à descendre dans la matière, va se séparer immédiatement de son âme et réintègre son double éthérique qu'elle a commencé à constituer à partir de l'âme. C'est-à-dire que lorsque l'esprit traverse le monde de la mort, la seule façon qu'elle a de rester au contact de la planète à la mort d'un corps physique, c'est de créer un double du corps physique, un double éthérique, un double dans le temps mortel. Le peu d'esprit que tu as s'envola immédiatement. Par contre, le peu d'esprit que tu as s'envola, il dit, ah ben voilà, je suis mort. Alors je vais attendre des processus que j'ai expliqués dans le reste de la soirée. Et en même temps, il y a l'âme qui se dit, et c'est encore toi, qui dit, bon ben là, merde, c'est fini. Mais c'est deux entités atomiques différentes. C'est deux entités totalement différentes qui vivent effectivement, et les deux entités sont totalement toi. Puis il y a une grosse partie de toi, 99% de ce côté, qui va lentement se connecter sur le bras de l'aspirateur, qui est le guide de lumière, qui est un canal, et ça va t'aspirer dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans le ciel. Et puis il va rester une recherche pour essayer de ramasser le peu d'esprit, le double éthérique, là, mais on ne réussira pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'on pose la question de deux façons. Qu'est-ce qui vous arrive à la mort de votre corps physique, ou qu'est-ce qui vous arrive? Par laquelle des deux on commence? On commence par laquelle? Qu'est-ce qui nous arrive ou qu'est-ce qui nous arrive? Étant donné que les égos humains sont émotivement accaparants et accaparés, il est préférable de commencer par la mauvaise nouvelle et de finir avec la bonne nouvelle. Si on commence avec la bonne nouvelle, ils vont se rappeler que la mauvaise nouvelle. Si on commence avec la mauvaise, ils vont se rappeler la bonne. C'est quelle la mauvaise? La mauvaise, c'est qu'est-ce que l'âme fait après la mort. Qu'est-ce que l'âme fait après la mort? Tous tes souvenirs, toutes tes mémoires, toutes tes émotions vont être digérées et tu vas les perdre à jamais. Bon, t'as-tu la mauvaise nouvelle? Oui. Ça veut dire que tout ce qui te constitue présentement va cesser d'être. Ça veut dire que 99% de ce qui te constitue va se ramasser dans une fausse cellule. D'accord, compris. Les expériences, le savoir. Tout ce qui est Charles Villeneuve. Tout. Tout, tout. À part 1% que toi, personnellement, en tant qu'égo, tu ne connais même pas encore aujourd'hui. Puis celui qui t'aura charrié toute ta vie, celui qui t'aura fait souffrir toute ta vie, celui qui t'aura fait monter et fait descendre et refait monter toute ta vie, c'est le seul qui va apprécier. Celui qui ne connaît pas, tu ne le connaîtras jamais. C'est ton esprit. Et ton esprit est suffisamment intelligent pour ne pas se connecter à ton ego, à ton âme, donc à toi. Autrement dit, tu ne connaîtras jamais ton esprit. Et c'est lui qui manipule toute ta vie, et c'est lui qui va décider l'heure de la mort de ton corps physique, c'est lui qui va décider quelles sont les mémoires qui vont être intégrées au monde de la mort, c'est lui qui va tout décider, et c'est lui qui va rire. Mais ce qui envoie, ce qui laisse aller au monde de la mort, c'est des expériences qui sont inutiles. C'est toi, totalement toi. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a deux... L'être humain a accès à plusieurs niveaux de conscience. Sauf que l'être humain se confine à quelques niveaux de conscience. L'être humain est confiné au niveau de conscience corporelle. Le coup en plein visage, c'est ça. Ça te dit, j'ai reçu un coup en plein visage. Alors que c'est ton corps physique qui vient de recevoir le coup d'un autre corps physique. C'est même pas toi qui le ressens en plein visage. C'est même pas de visage. Ton corps physique a ce qu'on appelle un visage. Mais en réalité, c'est des atomes qui viennent heurter un champ électromagnétique créé par d'autres atomes. Les atomes ne se touchent même pas. Bon. Les champs de répulsion des atomes sont tels que même si on pense que ça touche, mais si on verrait qu'un microscope électronique, on verrait bien qu'il y a de l'espace entre les deux. On s'aperçoit toujours. Parce que si ça toucherait, ils fusionneraient ensemble. Comme si la fusion nucléaire. La moitié de la distance, c'est qu'on ne l'atteint jamais. C'est ça. Si on l'atteint, ça devient de la fusion nucléaire, puis là, tu as tout à fait la même onde de force. Puis on éclaire la ville de Montréal pendant 49 ans. Avec l'énergie nucléaire. Bon. 99% d'humains, allez à 95% d'humains, ça dépend des êtres humains. L'être humain peut travailler pour devenir immortel, c'est-à-dire, on parle toujours dans l'illusion. L'être humain peut travailler pour devenir immortel, c'est-à-dire que l'être humain peut travailler pour que quelque chose chez lui se transmute en quelque chose qui est instantané, donc qui n'existe pas, ni dans l'illusion, ni dans ce que l'illusion appelle la réalité, donc quelque chose qui est instantané, qui pour le phénomène de l'illusion serait réellement existentiel, éternel, c'est-à-dire en dehors du temps. Une chose éternelle n'existe pas, une chose éternelle ne peut pas être immortelle. Quelque chose qui est éternel est hors du temps. Quelque chose qui est immortel est dans le temps, et dans le temps ne meurt pas. Alors l'âme de l'humain est mortelle. Même si, du point de vue de l'humain, c'est immortel. Pourquoi? Parce que sa durée de vie très longue. C'est quelque chose qui vit 15 milliards d'années, est-ce que c'est immortel ou mortel? Ben, si ça meurt après 15 milliards d'années, c'est mortel. Donc, par contre, si tu considères la chose, soit vivre 85 ans, ou vivre 4 milliards d'années, est-ce qu'il y a une différence? Ben oui, on peut dire que c'est immortel, 4 milliards d'années. Oui, sauf que, évidemment, cosmiquement, il n'y a aucune différence. Comme l'être humain qui veut vivre 100 ou 200 ans plus, sur 15,5 milliards d'années de vie de la création jusqu'à date, on n'est pas à 200-300 ans près pour pouvoir vraiment chanter. Mais du point de vue d'année en année pour l'être humain, alors là, 200-300 ans, ça commence à être drôlement important, intéressant. Même que des fois, 10 ans, ça devient intéressant. Mais on reste dans l'illusion. Notre être humain est mortellement immortel ou immortellement mortel, c'est-à-dire que l'âme de l'homme va dans le monde de la mort, dans le ciel, où elle sera mélangée, digérée, réintégrée, réincarnée. De ce point de vue-là, les égos humains essaient de considérer le fait qu'ils peuvent être immortels parce qu'ils se réincarnent. Mais remarquez ceci, l'ego ne sait qu'il existe que s'il est dans un corps physique. Et c'est pourquoi les âmes, les égos, les humains ont tellement peur de la mort, c'est qu'ils sont convaincus, avec raison d'ailleurs, que lorsqu'ils perdent leur corps physique, ils vont perdre totalement la conscience d'être tels. Donc, ils vont totalement perdre le souvenir qu'ils ont d'eux-mêmes, donc ils vont totalement perdent l'idée qu'ils sont là, c'est-à-dire que comme ça, ils vont mourir. Ils ont raison. Et c'est pourquoi l'être humain va dire, oui, on est immortel, parce qu'on se réincarne. Donc, le karma, la viande, le corps physique, est extrêmement important. On est immortel parce qu'on revient dans un corps. Réincarnation. Ou encore, on aura la résurrection des corps. Encore le corps. Parce que s'il n'y a plus de corps, nous n'existons plus. Selon toute théologie, on parle d'un corps. Où on va dire, oui, mais on se réincarne sur une autre planète. Ça change rien, on parle encore de corps. La corporification est extrêmement importante dans l'illusion de la conception de la vie pour l'ego. Alors qu'en réalité, le corps est, même si c'est une solution à la descente d'intelligence, est un problème majeur du point de vue de l'évolution. Bien qu'il bloque l'évolution parce qu'il est difficilement altérable, il ralentit l'évolution parce qu'il est difficilement altérable. L'être humain actuel, c'est de la mémoire. Et c'est pourquoi je dis que c'est une créature du temps. Sauf qu'il y a un autre être humain, qui lui n'a pas encore la capacité d'instruire l'âme. L'être humain actuel, qui est là, c'est l'esprit. C'est ce qu'ils appellent souvent l'homme global, comparativement à l'homme psychologique. L'homme global, l'esprit, commence à atterrir dans la conscience d'un humain de cette planète par les prémices d'un contact supramental. Donc, par un contact, par le biais d'un canal qui s'appelle l'ajusteur de pensée, qui va engendrer un rectificateur de pensée dans la conscience mentale de l'homme, et la conscience mentale de l'homme, par la psychologie, l'intellect, l'ajusteur psychologique, va instruire l'ego. Et là, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'homme. L'ego, c'est 99% de l'humain. C'est lui qui se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire demain? Est-ce qu'il va se violer s'il pleut? C'est lui qui va évoluer. C'est lui qui suit les cours de personnalité. C'est lui qui apprend le sens. C'est lui qui veut réussir sa vie. C'est lui qui meurt. Mais est-ce que l'esprit, lui, va se rappeler qu'il existe? Est-ce qu'il a déjà existé? Il a toujours existé. L'esprit est pré-existentiel ou super-existentiel. L'esprit n'est pas existentiel. L'esprit n'existe pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chose n'a pas besoin d'exister pour influencer un continuum existant. Qu'est-ce que c'est qu'exister? Être bâti de matière, ou du moins d'énergie. Tu pars de la matière, première chose, mais c'est pas suffisant pour exister. Maintenant, on doit aussi avoir le temps d'exister. Donc, il faut du temps et il faut de l'énergie. S'il y a juste le temps, pas d'énergie, ça n'existe pas. Que de l'énergie dans l'instantanéité et pas de temps, ça n'existe pas non plus. La matière n'ayant pas le temps d'exister, n'existe pas. Une chose virtuelle, une chose qui disparaît en avant ou en même temps qu'elle apparaît. Moi, je te dis, tu as gagné. As-tu été millionnaire? Pas de prochain maudit. Pourtant, tu as déjà été millionnaire, mais ça a duré, c'est pas chronométrable dans le temps humain. Si on appelle ça, on dit que c'est une chose virtuelle. Même pas le temps de dépenser. C'est ça. C'est Alors voilà, c'était presque là, mais c'était plus là, à l'instant même où ça veut être là. Ça, c'est l'instantané. La conscience réelle de l'homme est instantanée. Sauf que la conscience réelle de l'homme s'imprimant dans la matière engendre de la mémoire expérientielle, une mémoire qui devient la conscience astralisée de l'homme, la psychologie de l'homme, l'âme de l'homme, l'ego de l'homme. C'est ce qu'on appelle une planétarisation, ce qu'on appelle une corporification au niveau du corps, une amnification et seulement une égoïsation. Et mon robot a remarqué, a fonctionné pendant un grand bout de temps, et lorsqu'il est épuisé, je ramène le robot, je l'écrase en faisant la mort à la jeu, un truc pour écraser la ferraille comme une automobile, et puis après ça, je le fais fondre. Et là, une fois qu'il est fondu, ça devient du liquide. J'élimine les impuretés, et s'il y a beaucoup de plastique, le plastique, je redeviens du plastique, etc. Et je coule ça dans un autre moule où je fais un bras, je fais des pièces, et je refais un robot d'un autre hémicycle, un robot d'une autre génération, c'est la génétique, ou mon information, qui va me permettre d'avoir un autre robot, et je recrée un autre robot. Et le premier robot, est-ce qu'il va dire « c'est moi » Non, c'est lui. Mais il n'est pas lui partout. Je me sers de lui pour en faire un autre, mais c'est plus lui. Comment l'âme se rend compte de tout ça? Est-ce qu'elle se rend compte du carré? L'âme arrive vivante et elle se dit « si on a déjà existé, qui était-elle » Et là, l'humain se mord le doigt, après ça, l'humain se dit « c'était Jules César ». Ah oui, et non. Mais des millions d'humains sont Jules César, parce que pour le créer, lui, on a pris des milliards d'êtres humains qui ont déjà vécu, on a tout fondu ça ensemble dans le grand moule, et puis on a fait un gros récipient de métal, et puis on a coulé un petit robot. Plouf! Alors dans ce robot-là, il y a des atomes qui ont déjà appartenu à Jules César, des atomes qui ont déjà appartenu à Napoléon, des atomes qui ont déjà appartenu à la rue Plancher, des atomes qui ont déjà appartenu à un prostitué mâle de l'époque des Romains, un atome qui a appartenu à Genghis Khan, et des atomes qui appartenaient un peu partout. Et là, la personne qui est là-dedans, elle arrive ici, elle fouille dans les livres d'histoire qui incrémente sa mémoire. Et là, elle recherche, elle se dit, bon, ben, nous sommes des êtres humains, et nous avons l'histoire derrière nous. Le livre d'histoire est dans l'actuel, le passé n'existe plus. Et Jules César, il faut le rencontrer, il est maintenant, les atomes sont dans tout le monde. Quand on respire de l'air, présentement, ça prend quoi? Ça prend quelques années avant qu'une molécule d'air est respirée par quelqu'un, soit respirée par un autre. Il y a un temps où l'air de Napoléon, mais présentement, l'air que Napoléon a respiré toute sa vie, eh bien, on en respire quotidiennement des morceaux parce que le temps est passé où elle a été totalement à cause des vents et dispersée sur le plan planétaire. Tu rends compte, hier, que l'air que nous respirons a été respiré par des milliards d'humains. Eh oui. Mm. Et que les pommes que nous mangeons ont déjà peut-être été mangées en steak, en hamburger, en légumes par d'autres personnages. Ouais. La terre se régénère. Donc, tout ce que nous avons, disons, porté aux toilettes, se retransmet en nourriture, ça nous nourrit un paquet d'autres, c'est ce qu'on mange, c'est la merde de nos ancêtres. Mais c'est exactement ça. On n'en sort pas. La planète Terre, il n'y a pas quelque chose de neuf qui apparaît dessus, là, c'est ça. Si tu considères la quantité d'arbres qui a été coupée depuis le début de l'être humain sur la planète Terre, on a coupé plusieurs fois tout ce qui poussait. Si tu considères la quantité de blé qu'on a planté, ben on a mangé plusieurs fois ce qui a été, on l'a fait, on le mange de. Du blé, pas ce qu'on met, qu'on mange. Quand on fait du pain, plusieurs bouches. Ouais. Ça m'ouvre pas mal l'appétit, moi, qui ai de la misère. Plusieurs années, ça dépend. Ça, c'est immortel. Aucun problème. L'âme, elle, comment elle dit ça? L'âme, elle, tantôt, t'as dit, c'est comme si tu rêvais, tu conduis, tu rêves, que t'es plus là. Que... Ça, c'est celui qui meurt violemment. Ok, ben, si tu meurs pas violemment, tu penses comment? Si tu meurs d'une maladie? Quoi, lors d'une maladie, lentement, tu sens que tu dégages de ton corps, tu finis par l'attendre, tu laisses faire. Les guides viennent souvent te chercher, et quand tu meurs lentement, ton antium s'expulse de ton corps 2 à 3 jours avant ta mortalité, ce qui fait que là, l'âme se sent heureuse comme elle n'a jamais été heureuse. L'antium, une grosse pression satanéenne la quitte, donc l'âme pourra partir sans problème. Et là, l'individu, quelques jours avant sa mort, est totalement souriant, totalement dégagé, totalement prêt, et puis il le sait. Alors, les guides viennent l'avertir qu'à telle heure, telle journée, on va venir te chercher. Alors, il est totalement préparé, totalement prêt, et puis tu t'en vas, il n'y a aucun problème. Et après, là, on dit que tu t'en vas, il n'y a aucun problème. Il se passe quoi, là? Il n'y a pas de problème. Bon, c'est quoi les problèmes? Il n'y en a pas de problème, mais il y en a plein. Es-tu évolué ou non? L'ego dirait oui, l'esprit dirait non. Non, moi, je pose la question. Celui qui meurt, là, c'est un être humain qui est évolué, conscientisé? Ah, donc, oui. Bon. C'est un être humain qui est conscientisé, qui est évolué, du moment que ça se détache, que le corps astral, donc cet esprit, le séraphin, quitte le corps physique, le corps cesse d'être animé. Plus d'âme, âme anima. Le corps cesse d'être animé. Étant donné qu'il cesse d'être animé, immédiatement il commence à pourrir. Pas de temps à perdre ça. Bon. L'âme monte lentement et elle se divise en deux, presque instantanément. La partie évoluée, qui fait partie de l'enveloppe de l'âme, qu'on appelle le corps séraphique, elle va rejoindre ce qu'elle a déjà créé, un double éthérique. Le double éthérique, ça se crée de notre vivant, ça ne se crée pas quand on est mort. Donc, il y a d'évolution que lorsque l'être humain est dans un corps physique. Quand il meurt, les mémoires se réincarnent et puis ça continue. Donc, il y a cette séparation immédiate où il y a la partie évoluée rejoint le double éthérique et le reste de notre être humain, ben, il voit un guide de lumière, il ne comprend pas trop. C'est l'être humain qui se dit « Ouais, mais j'ai toujours su que, mais j'y crois pas. » C'est celui qui va espérer quand il va voir la lumière, il va se garocher tout de suite dessus. Et c'est les guides de lumière. Et lentement, il va se diriger vers le monde de la mort, vers le grand aspirateur. Le grand aspirateur divin. Et il va se faire aspirer. Est-ce qu'il y a le choix de se diriger vers le grand aspirateur ou de faire d'autres choses? L'âme n'a pas le choix. L'âme de l'humain est totalement manipulée. Il y a deux possibilités. Elle reste attirée par le monde de la matière parce qu'elle était alcoolique, parce qu'elle était extrêmement avare, parce qu'elle était extrêmement sexuelle, parce qu'elle était extrêmement XYZ, et elle reste attirée par le monde de la mort parce qu'elle essaie de s'en nous renourrir. Et là, c'est l'enfer total, c'est la phase infernale, où elle ne peut pas goûter, parce qu'elle n'a plus de corps physique, les jouissances qu'elle veut regoûter. Lentement, elle finit par oublier, vu qu'elle ne peut pas regoûter ces choses-là, donc l'âme n'est pas restimulée par le corps physique, il n'y a pas de synergie, d'auto-énergisation, et lentement, oubliant, elle commence à monter dans le plan morontiel, elle se met à flotter, elle devient plus légère, elle gagne le monde de la mort, par les guides de lumière encore une fois, et là, elle commence à phase purgatorielle, la phase purgatorielle, c'est là où l'âme est totalement diluée à travers tous les âmes qui existent dans le monde de la mort. Alors, vous voyez que l'enveloppe de l'âme est une enveloppe énergétiquement vitale, éthérique, morontielle, ça ne gagne pas le monde de la mort. Alors, une fois que tu rentres dans le monde de la mort, c'est exactement comme si ton corps physique était sorti de vaisseau spatial. On ouvre le sas, se lance dans le vide, et là, tout ton corps est dilapidé. Il ne reste rien. Voilà. Puis l'enveloppe, qu'est-ce qu'elle fait? L'enveloppe, elle reste sous le plan morontiel. Elle reste là, elle pourra servir de guide de lumière, ou lorsqu'il y aura une réincarnation à un moment donné, elle pourra resservir de corps vital pour recréer une vie. La partie qui est partie avec le double éthérique? Le double éthérique, c'est la partie intéressante. C'est-à-dire que l'être humain de son vivant peut s'arranger pour créer suffisamment de conscience supramentale chez lui pour que lorsqu'il va mourir, que la partie finalement anti-évolutrice, la conscience astrale, qu'elle s'en est dans le monde de la mort, on s'en fout, tant mieux. Mais l'être humain peut travailler dans cette vie-ci pour créer suffisamment de conscience supramentale chez lui pour que lorsqu'il meurt, que cette conscience supramentale qui doit, avant la mort, devenir la conscience de l'humain. Cette conscience-là, lorsque l'être humain meurt, présentement, alors je vais prendre un exemple, un être humain ordinaire, il est plein sur la planète Terre, il a quelques 5 milliards, meurt. Alors il ne comprend pas ce qui lui arrive, il voit des choses, et puis il arrive là-bas, il rentre dans le monde de la mort, bon. Il va se réincarner sans jamais se rappeler ce que c'est. Les constituants de lui vont se réincarner. Bon. Moi, disons que je perds le corps physique. À l'instant où je gagne le plan morontiel, je sais totalement ce qui arrive. La conscience qui habite le corps est présentement une conscience supramentale. Tous les humains peuvent la développer. Et c'est ce que l'humain doit faire avant de mourir. Et là, lorsque cette conscience supramentale est celle qui habite et qui dirige le corps physique de l'homme, Il y aura une cohabitation pendant un grand bout de temps où il y aura l'âme, le corps supramental, la conscience animique, la conscience supramentale. Bon, si c'est la conscience supramentale qui est là, lorsqu'il y a dissolution du corps physique, maladie, accident, etc., lorsque le corps physique n'est pas capable de le supporter, là on peut dire, vu que c'est la conscience supramentale qui habite l'humain, là on peut dire, lorsque tu meurs, tu vas te ramasser dans le plan morontiel, tu vas voir des constituants s'en aller, sans savoir que c'est ton âme, pas grave, puis toi. Et tu vas repérer immédiatement le débétérique, il y a un canal qui se relie qui est l'adducteur de pensée, tu vas y aller, de toute façon tu es attiré vers ça et non pas vers le monde de la mort, donc tu deviens immortel en ce sens que tu ne gagnes plus le monde de la mort. Et là c'est toi ça, toi tu sais maintenant intégralement et totalement ce que tu fais, ce qui se passe. Tu intègres le débétérique et tu auras suffisamment d'informations, je peux te donner, ou s'il y a des questions lors de la deuxième partie on pourra voir, tu auras suffisamment d'informations pour être capable de réincarner. en te rappelant maintenant totalement qui tu es. Mais pas dans l'illusion de la forme. Qui tu es cosmiquement ou esprétiquement. Donc, il y a, pour que l'être humain devienne immortel, l'être humain doit préparer son immortalisation dans cette vie-ci. Il meurt avant, c'est pas plus grave que ça. Il y a un autre être humain qui va revenir et il le fera. Mais on a la capacité mentale actuellement, sous le contexte planétaire, l'être humain a présentement la capacité mentale pour devenir immortel, c'est-à-dire pour se rapprocher de l'éternel, c'est-à-dire l'être humain a la capacité mentale pour échapper au monde de la mort, et un peu plus loin, il aura la capacité supramentale pour échapper au monde du temps. Donc, l'être humain qui travaille convenablement, qui applique certaines choses, qui accepte de mourir un peu de son vivant et qui n'attend pas de mourir totalement lors de sa mort, mais celui-ci crée un dométérique qui se dirige vers l'immortalité. Il faut que ce soit l'ego, l'âme, qui accepte de mourir graduellement. Il faut qu'on informe l'ego que c'est plus brillant pour elle d'être d'autres choses, soit un double éthérique. Ouais, parce que c'est l'âme qui va vouloir mourir. Là, oui, ça c'est la théologisation du mental faite par le mental en face de l'astral, de l'ego. C'est-à-dire que lentement le mental va expliquer à son âme, c'est-à-dire que moi je m'explique à moi, que moi je suis le dieu de moi, que moi je suis le créateur de moi et que moi je suis le contrôleur de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans l'homme, qui se passe chez vous, vous avez peur. Et vous vous dites, voyons, pourquoi j'ai peur? Et là on doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui parle à quelque chose. Moi, je me parle. Comment, moi, puis-je me parler? Merde. Sauf si je suis deux consciences. Intimement liées, d'accord. Et ça, on doit cesser de penser que c'est de l'illusion. Là, on se rapproche de la réalité. Le chemin est bâti à l'envers. Ce qui est réel, il voit ça comme de l'illusion. Ce qui est illusion, il voit ça comme de la réalité. Ça fait partie des phases d'évolution. Dans l'évolution, l'humain a été planté à l'envers, alors nécessairement, il a inversé l'illusion. Maintenant qu'elle se redresse, c'est plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ou qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est non réel. Lorsque je commence à me raisonner, lorsque je commence à me poser des questions, je dois arrêter. Qu'est-ce qui est important, c'est pas que je me pose des questions. Qu'est-ce qui est important, c'est pas que je me raisonne. Ce qui est important, c'est que je constate que je le fais. Je dois savoir que je sais que nous sommes deux. Bon, premièrement. Par la suite, je vais continuer à intelligencer les choses, c'est-à-dire que lentement, je vais me battre avec moi-même. Je vais confronter mon ego, c'est-à-dire que je vais confronter mes 30 millions d'ancêtres réincarnés chez moi. Oh, il y a du monde, hein? C'est une là-dedans qui a des grandes gueules, hein? C'est sûr. Alors, je dois confronter toute ma génétique pour l'amener vers du neuf. Cela veut dire que je dois commencer à appliquer dans ma conscience ce qui a été enseigné dans leur conscience. Il y a chez moi une mémoire vive. Ce que je considère avoir fait hier, ce que je considère avoir fait depuis que je suis au monde. Et il y a chez moi une mémoire seconde. Mes 30 millions d'ancêtres réunis chez moi qui gueulent de temps en temps dans ma tête. Et il y a une mémoire troisième, mon canal réincarnationnel par mon nom qui me relie au monde de la mort et par lequel je suis stimulé à faire des conneries. Mais à un moment donné, ce que je dois faire, ce que vous devez faire, c'est d'appliquer moi. J'applique ce que eux ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Les ancêtres qui vous habitent. Ils ont appris à un moment donné qu'il y avait un ciel. Ils ont appris à un moment donné qu'il y avait un Dieu. Ils ont appris à un moment donné qu'il y avait un Dieu de colère et de vengeance. Ils ont appris à un moment donné qu'il y avait un Dieu de pardon et d'amour. Ils ont appris à un moment donné qu'il y avait un seul Dieu. Ils ont appris à un moment donné qu'il fallait porter la parole. Ils ont appris à un moment donné que ce que tu savais, il ne devait pas être caché. Qu'on n'allumait pas une lanterne pour la mettre dans le garde-robe ou en dessous d'un lit. Je pense que le lit, c'est mal feu. Mais qu'on la mettait sur la table de cuisine pour éclairer tout le monde. Ils ont appris, nos ancêtres, qu'à un moment donné, l'être humain deviendrait Dieu. Quelle que soit la théologie. Même le Nazaréen l'a dit, un jour vous serez comme moi, et même plus. Ce qu'ils ont appris, vous devez l'appliquer. Si vous ne pouvez pas l'appliquer, c'est que vous êtes un ancêtre. C'est pas un homme neuf, pas une femme neuve, pas un enfant neuf. Et à un moment donné, on doit cesser de porter la bonne nouvelle. On doit être la bonne nouvelle. Et ce être-là, tous les ancêtres vont dire, pour qui tu te prends? C'est ça, notre fausse humilité à un moment donné. Tu te dis, bon, je veux être un humain debout. Mais qui suis pour être humain debout? Hey, la gang, vos gueules! Eux ne sont rien. Eux sont ceux qui ont appris qu'un jour un sauveur viendrait. Eux sont ceux qui ont appris qu'un jour un Dieu viendrait. Eux sont ceux qui doivent maintenant comprendre que c'est venu. Parce que les ancêtres, qu'est-ce qu'ils font, les ancêtres? Ils portent la bonne nouvelle. Ils la verront jamais, ils l'accepteront jamais. Est-ce que Moïse a vu la terre neuve? Est-ce qu'Abraham a vu les terres promises? Regardons, l'ancêtre. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ça va venir. Jean-Baptiste, est-ce qu'il l'a vu, l'avènement du Christ? Mais non, il est mort avant. C'est l'ancêtre. On a plein d'ancêtres, plein de fausses humilités, plein d'orgueil aussi. Où un ancêtre se dit, tiens, moi je suis Dieu. C'est pas là qu'on s'arrête. Mais comment tu fais pour être la bonne nouvelle? Tu le deviens. Sois la bonne nouvelle. Maintenant, devez-vous être la bonne nouvelle pour les ancêtres des autres? Là, c'est mon ancêtre qui s'illusionne d'être la bonne nouvelle, ce qui veut dire à ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent, ben, c'est tes ancêtres, t'es en vue comme un temps. Fait que là, je vais aller vous voir et je vous dis que je suis la bonne nouvelle. Connerie! Non, moi, je dois dire à mes ancêtres que moi, je suis la bonne nouvelle. Mais je ne peux pas être la bonne nouvelle des autres. C'est infirme. Ouais. C'est pour tes 30 millions de réincarnations. Ça c'est. C'est pas beaucoup. Un petit village, 30 millions. Ouais, c'est ça, ça c'est. Puis là-dedans, il y a des... Mais là, quand tu décèdes, là, si t'as pas eu le temps d'être la bonne nouvelle... Tu décèdes pas, toi. Quand le corps physique meurt... Quand ton corps physique meurt... T'as pas eu le temps d'être la bonne nouvelle? Pour les 30 millions. Disons que t'as eu le temps pour d'être la bonne nouvelle enfin, pour... Il y a 30 millions qui s'en vont dans le monde de la mort, content ou en broyant. Disons pour 5 millions, on va dire. Pas grave. L'instant où tu es capable de supporter que toi, tu es. Quand tu vas perdre le corps physique, c'est toi qui, en priorité, constateras que tu perds le corps physique. Et non pas quelques-uns des ancêtres qui viennent ensemble. C'est pas une partie de l'ego qui va constater que le corps physique s'en va. Donc, le premier à sortir, c'est la conscience. Conscience supramentale. Au-delà du contexte mental. Les autres, on s'en fout. Là, tu te ramasses dans le flamant ciel, dans le double terrestre. Puis là, tu dis que tu te rappelles qui tu étais. Je dis pas que tu te rappelles qui tu étais, tu n'es pas mort. OK, bon, t'es encore là. Mais quand tu dis tu n'es pas mort, tu te prends pour qui? Quand tu dis que tu es vivant, tu te prends pour qui? Ben, j'ai un nom. Je me donne un nom, je me donne une adresse. Oh, je te donne un nom. Ben, Bidule. Tu t'appelleras Bidule dans le blanc montiel. Non, mais quand tu reviens, là, quand tu es dans le double terrestre, est-ce que tu as conscience que tu es encore Daniel Kemp ou Charles Villeneuve? Ou... Absolument. Tu sais, celui qui meurt, parlons de mort. Celui qui quitte le corps physique, on fait sa mort pour l'instant, même si c'est pas la mort. La mort, c'est quand on gagne le monde de la mort. Disons que tu perds le corps physique. Si c'est Charles Villeneuve, si toi tu es là et tu te dis, bon, ben merde, il est ben trop bimé. Guerre nucléaire, tu viens de recevoir 25 éclats d'obus dans par la tête, et lentement, tu avant de recevoir les obus, tu es Charles Villeneuve, la conscience supramentale, le Dieu élu pour tes réincarnations, le Dieu sauveur de ta génétique, l'accomplisseur des promesses du passé. Tu es ça, tu ne dis pas tout ça, là. Non, j'espère, parce que... Oui, c'est un minute, je suis l'accomplisseur de mes mémoires du passé. Non, là, j'explique quelque chose. Ça ferait-tu un traversant à vue? Oui, c'est pas long. Il y a un masse de mémoire qui sautera dessus, c'est sûr. Mais non, tu es Charles Villeneuve. Tu es celui qui, à un moment donné, se dit, bon, ben là, j'ai une perte d'automobile, mais c'est pas grave. Bon, là, il y a une guerre. Alors, je vais m'organiser pour m'en sortir. Et tu es celui qui ne crie pas, celui qui ne chiale pas. Tu n'es pas Charles Villeneuve, tu es Charles Villeneuve. Et à un moment donné, tu te rends compte que le corps physique est inadéquat pour se retenir. C'est Charles Villeneuve, c'est toi. Alors, tu vois le double éthéré, tu vois le corps physique. Tu vois les âmes qui s'en vont là-bas, puis hier, ils s'entendent. Tu vois les guides de lumière qui viennent les chercher. Tu vois un guide de lumière qui fait un geste pour que tu comprennes bien. Et tu vois un bébé éthérique qui fait rien. Et tu sais tout. Tu es resté totalement ce que tu étais. C'est pourquoi c'est important, premièrement, que tu aies une formation anté-mortuaire avant ta mort. Au niveau astral, les conférences, c'est de l'information. Il y a plusieurs autres formes d'information. L'humain doit déjà avoir un contexte de logistique qui lui permettent de créer dans son corps physique. Donc, il faut qu'il instruise son ego, théologisation du mental, il faut qu'il instruise son ego pour que l'ego l'autorise à être ce qu'il est. Il n'y a pas de danger que l'ego, dans l'autre bord, ça va. Y a-t-il des possibilités? Il y en a sûrement. Qu'est-ce qui se passe? L'ego, lui, veut s'en aller du côté du double éthérique. L'ego, il se prend pour moi, puis il veut aller l'autre bord aussi. Il n'y a aucun problème. Il peut y aller? Ah, il peut y aller. Pas envie de le ramener? Il peut y aller. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que l'ego est gros comme ça, puis que le double éthérique, c'est tout serreux, gros de même. Il va passer sa vie à essayer de rentrer dans le trou. Ouais, c'est pas long qu'à un moment donné, il va aller vers le gros trou d'aspirateur. Il n'y a aucun problème. Parce que là, on informe l'ego que c'est à droite qu'il faut aller, disons, là. À droite du père. Ce qui va arriver, c'est quand l'ego va approcher du double éthérique, c'est comme quand un ego approche de moi. Alors l'ego va arriver, va dire, es-tu mon sauveur? Le double éthérique, énergétiquement, va carrément chercher, ben, là. Alors que là, il y a des guides qui viennent avec de l'amour, de la compassion, tout ce qu'il faut. L'ego est pas fou, ça va les gars en plein ou ce qu'il faut pas. Et qu'est-ce qui arriverait s'il n'y allait pas? Il n'y a pas le choix, il peut pas faire autrement. Un ego, c'est ici. Un ego, ça l'a peur. C'est principe, c'est insécure. Là, lui, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'être sauvé, ça a besoin d'aide, ça a besoin de tout ce genre d'illusions. Est-ce qu'il souffre l'ego pendant ce temps-là? Pas tant que l'ego. Non, du moment que l'ego a eu un contact avec les guides de lumière, il ne souffre plus. Et du moment que l'ego rentre dans le monde de la mort, il ne peut plus souffrir. Ça, c'est pas souffrant de ce côté-là. L'autre côté, du côté du double éthérique. Non, c'est pas souffrant du tout. Pas souffrant non plus. Non, parce que la souffrance, c'est une question de mémoire, tu n'as pas cette mécanique-là. Puis, est-ce que plus on vit longtemps, plus on a le temps de. Plus on vit intensément, mieux c'est. De conscientiser, plus ça va être facile. Intensément. C'est l'intensité de la vie et non pas la longévité de la vie. Tu peux t'ennuyer pendant 350 ans, tu peux vivre intensément pendant 12 ans, avoir un double éthérique constitué, mourir à l'âge de 12 ans. Ça se réincarner après, ça n'a rien à voir. Les gens vont dire, pourtant, il était évolué, comment c'est ça qui est mort? Parce que les animaux humains ne comprennent rien. Maintenant, tu peux vivre 365 ans et puis vivre de platitude, d'ennui, de boissons, de sexe, de vidéos, de musique, d'alcool, de jeux à la ronde, de jeux de cartes. Mais là, tu conscientises pas du double éthérique. Comment tu fais pour le conscientiser, le double éthérique? Tu veux la méthode rapide ou la méthode longue? Alors, toi, t'es rapide puis t'es longue. D'habitude, le rapide, c'est 500 ans, puis longue, c'est 2000. La méthode rapide, je prends un humain aujourd'hui qui est capable d'accepter de travailler avec moi. Donc, il y a besoin de conscientisation. Et je le forme avec moi intensivement à l'année longue, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. C'est la méthode rapide. Pendant combien d'années? L'humain est totalement prêt à une fusion de son vivant avec son corps physique et son double éthérique dans 17 ans. Totalement. Puis la méthode longue, c'est quoi? La méthode plus longue, c'est celle qui demande un peu moins de jours par semaine, un peu moins d'heures par semaine, des fois un peu moins d'années par vie. Ça dépend du humain. La méthode longue, elle prend... Pour avoir un double éthérique, pour que l'humain puisse, lorsqu'il meurt, pour que la conscience de l'humain s'en aille là plutôt que dans le monde de la mort. Donc là, tu ne parles pas d'être prêt à une fusion intègre avec le double éthérique et le corps physique. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, mais on prend l'exemple de 17 ans, c'est la finalité totale qu'un humain peut accomplir dans le contexte de cette planète. Si on prépare, si on veut une méthode qui permet à l'humain de d'échapper au monde de la mort. Il ne sera pas encore éternel, mais de devenir immortel. Moi, quand je te parle de 17 ans, je deviens éternel. Pas juste immortel. Alors, si on parle de quelle façon un humain peut travailler pour parvenir à au moins se garantir une immortalité avant la mort de son corps physique, ça peut se faire en quelques années. Sans mettre trop d'énergie, mais je ne veux pas l'humain. C'est exponentiel. Plus l'humain va travailler, à un moment donné, l'humain va être évidemment dans une évolution de conscience et de conscientisation qui va être presque 24 heures par jour, 16 jours par semaine. Mais je ne parle pas avec moi, il est libre. C'est-à-dire que l'humain va se faire tout seul dans la rue. Est-ce que les expériences de la vie en général, qui ne sont pas toujours heureuses, et puis il y en a qui sont heureuses aussi, est-ce que tout ça, ça peut nous amener à former... C'est pas que ça peut, ça nous amène à former un double éthérique. Mais ça prend des centaines d'années. Mais peut-être que ça fait la sixième réincarnation qu'on a, puis qu'on l'a tout fait avant, puis qu'on est presque au point d'avoir un double éthérique formé. C'est que l'humain doit comprendre quelque chose. C'est que l'humain doit savoir, bon, quand sommes-nous prêts? Quand pouvons-nous considérer que nous sommes maintenant génétiquement et psychologiquement, donc spirituellement, aptes à devenir immortel? Quand sommes-nous prêts à commencer un processus de création de double éthérique qui va nous amener inévitablement vers une fusion entre le double éthérique qui va nous éterniser et le corps physique? Quand sommes-nous prêts? On est prêt uniquement lorsqu'on est capable de supporter l'énergie de quelqu'un qui fait déjà le cheminement. Si on ne peut pas supporter l'énergie de quelqu'un qui fait le cheminement, on n'est pas prêt. Si on peut supporter l'énergie de quelqu'un qui fait le cheminement, on est prêt. Présentement, à l'échelle de la planète, il y a... pas beaucoup de pas par où passer pour être préparé. Dans l'Antiquité, chaque race avait une porte. Cette porte s'appelle Avatar. Alors il y a eu Bouddha, il y a eu le Nazaréen, il y a eu Aksmol, je ne connais pas. Non. C'est en Amérique. Alors ça s'est passé à l'époque des Incas, enfin même avant, à l'époque des Aztèques. Il y a eu Odin, je ne connais pas non plus. Non. Il y a eu Zarathustra. Son frère? Je connais son frère, je ne connais pas Zarathustra. Parfait. Il y a eu Ram. Il y a eu quelques-uns. Dans l'étape actuelle de l'évolution de cette humanité, fin 20e siècle, il y a deux portes. Et lorsque l'humain s'attache à d'autres portes, il se prépare à être prêt. Lorsque l'humain s'attache à l'une de ces deux portes, il se prépare à le faire. C'est quoi la différence entre se rappeler quand on se réincarne? C'est quoi l'avantage d'avoir un double éthérique? C'est ça ma question. Bon, le double éthérique, c'est pas que tu te rappelles. Parce que si le 100%, il souffre pas, disons que 100% d'égo, je souffre pas, puis je me fais attirer par les anges de lumière, il disparaît en poussière, je recommence. J'ai pas souffert. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir un côté double éthérique? Bon, la souffrance est une question de conscience. Étant donné que l'humain dans le monde de la mort perd totalement sa conscience, ou perd totalement la conscience de souffrir. La question que tu me poses, à quoi ça me sert d'être en santé, vu que de toute façon, il existe des médicaments pour endormir ma douleur? Ben, c'est moi une question, effectivement. Pour voir un médecin, si pouvait toujours en pourquoi avoir... moi me faire arranger les dents, plein de caries, puis je me fais me pique régulièrement, puis je me gargarise avec une lotion à la cocaïne. J'ai un paquet de maladies partout, mais je prends un paquet de médicaments qui m'annulent la douleur. Tu sais, ils font du cas, c'est ce qu'ils mettent en santé, c'est ce qu'ils font attention à leur alimentation, c'est ce qu'ils font du jogging. Il y a une débile. Oui, de ce point de vue-là, tu as raison. Mais il y aura possiblement toujours un temps où une maladie va naître, où on n'aura pas encore le médicament pour la calmer. Alors quand tu vas dans le monde de la mort, tu vas t'anesthésier. Alors tu ne souffres pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souffrance. Je dis que l'âme ne souffrait pas. Parce que l'âme souffre? L'âme ne souffre pas. Mais il n'y a que de la souffrance. Mais pourquoi ils veulent tous se réincarner d'abord? Parce qu'il n'y a que de la souffrance, ils ne le savent pas. Parce que si l'âme a peur de mourir, c'est parce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé, elle ne veut pas retourner. Oui, mais ce n'est pas une souffrance. C'est une constatation sans souffrance, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde de la mort, dans le ciel, a une tendance à devenir de l'énergie vitale. Ça se perd en vibration, ça se refroidit. Bon. Certaines religions parlent de chute de l'homme. Évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de la chute de la femme. C'est passé haute dans l'estime des hommes, ça n'allait pas tomber. Dans le monde de la mort, les mémoires de cette décadence, mal comprise par l'homme, on parle de chute. La chute, c'est l'involution. C'est ce qui, de la supra-énergie, devient de l'énergie, devient de l'atome, devient de la matière, et rendu là, recommence son évolution. Nous sommes, biologiquement, un legs génétique de l'involution évoluée. Dans le monde de la mort, quand l'âme gagne, le monde de la mort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe uniquement et simplement qu'elle se remet à évoluer. Dans le monde de la mort, il n'y a pas d'évolution, il y a du refroidissement, il y a la décadence. Dans le monde de la mort, tu rembarques dans le train qui t'a amené en bas. Tu réincarnes, veux, veux pas. Sauf qu'une chance, alors je te disais que le corps physique avait un avantage, il était difficile à transformer, donc il conservait plus longtemps l'évolution, difficile à évoluer, mais en même temps, il empêchait rapidement l'évolution, difficile à évoluer. Quand tu te réincarnes, au lieu de te ramasser dans des crapauds, dans des amibes ou dans des acides aminés, tu reviens dans des corps physiques. Alors, il y a ce processus qui est suivi dans le monde de la mort, qui est suivi même dans la conscience de l'homme, qu'il y a une roue. Une roue qui change d'octave, oui, mais l'octave reste le piano, hein. Et il y a là une possibilité de devenir le joueur de piano, de devenir autre chose que le double titre. L'humain doit comprendre la mécanique qui lui permettra de développer dans cette vie-ci, dans ce corps-ci, une conscience supramentale pour pouvoir échapper au monde de la mort. Donc, on a une conscience astralisée, une conscience spirituelle. Pour le double éthérique, est-ce que bon, t'es jamais mort, mais est-ce qu'il y a une conscience du temps qui se passe entre le moment où le double éthérique rejoint un corps physique? Le temps n'existe plus dans le double éthérique. Parce que t'es bien, puis que tu redeviens physiquement vivant. Tu sais ce que tu es pour que l'ego puisse comprendre, mais ce n'est pas une question de mémoire. Est-ce qu'il y a de la souffrance ou aucune? Mais non, tu es rendu trop intelligent pour souffrir. La souffrance, c'est l'apanage de l'évoluer. Celui qui n'est pas évolué ne se sent pas, celui qui est évolué souffre, celui qui est intelligent ne se sent plus. Alors on fait une petite pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, vous les amenez, puis Charles va les poser.